boycotte également des grandes manifestations culturelles, sportives ou promotionnelles comme l'Eurovision. La Belgique doit prendre ses sanctions sans délai et sans condition. Chers amis, la honte n'appartient pas aux victimes, mais à ceux qui détournent le regard, à ceux qui nient la réalité du génocide. Les générations futures nous jugeront. Alors où l'histoire se forge, soyons la voix qui ne tremble pas, le bras qui se lève, le poing qui se serre, et faisons le vœu, ici, ensemble, de ne plus tolérer l'intolérable, de briser le silence. La solidarité n'a pas de frontières, la Palestine vivra. Quand on se retrouve dans une telle tragédie, même les mots peinent à s'exprimer. Et je pense qu'il est important de rappeler que partout dans le monde, la mobilisation est présente, partout dans le monde. Même en Australie, à Sydney, en plein hiver, en plein drage, 300 000 personnes, 300 000 parapluies, sur un pont glacial. La question, c'est de se dire qu'est-ce que nous pouvons faire ici, nous ici, à Bruxelles, au cœur de l'Europe. Deux petites réflexions, très courtes. La première, l'action, certes. Manon, je pense, va continuer à énumérer l'arsenal qui est prévu ici dans les prochains jours. Mais c'est aussi se dire que toutes les actions se valent. Il n'y a pas de petites ou grandes actions. Organiser un événement comme celui-ci est certes important, mais afficher sur des vitres, dans des façades, sur des voitures, tout est bon à prendre, et vraiment. Et petite parenthèse sur les voitures, ça fonctionne super bien. Parce que c'est gratuit et ça roule beaucoup. Peut-être faites attention à la nuit quand vous enlevez l'affiche, peut-être pour certains fâchés qui pourraient venir casser votre carreau. Ça, c'est le point que je voulais amener. Donc, c'est que, comme quoi toutes les actions se valent, et que c'est le moment de faire appel à la créativité, à l'ingéniosité. C'est le moment. Ma dernière réflexion concernant l'Union. Et je trouve que c'est un élément qui nous a fait défaut durant ces dernières décennies. L'Union, ça veut dire que nous tous ensemble sur ces causes nobles, très très importantes, tous. Et donc, on attend, ça va. Et donc, la convergence des luttes, certes, mais aussi travailler avec nos voisins, avec celui, le collègue de travail, peut-être dans lequel on ne s'entend pas trop, on n'a pas envie de parler. Et donc, cela demande de dépasser nos égos, nos a priori, nos peurs. On vit, certes, dans un monde qui polarise, mais je pense que là, il y a un point très, très important. Et je terminerai en rendant hommage à ces hommes et ces femmes qui, au péril de leur vie, ont décidé de témoigner. Ce sont des confrères, des consoeurs, des artistes, mais aussi des journalistes. Et je voudrais rendre hommage à Fatem Lassouna. Alors, Fatem Lassouna, c'est une belle jeune fille de 23 ans qui est fraîchement diplômée journaliste et qui a décidé de rester en Palestine, à Gaza. Sabina Farsi, c'est une réalisatrice iranienne, franco-iranienne, a décidé de la suivre et de mettre en lumière son courage, sa bravoure, son altruisme. Et depuis le 7 octobre, Fatem est sur le front, toute seule, dans des conditions extrêmes. Cette idée termine le film qui s'intitule en anglais Put Your Soul on My Hand and Walk. Dépose ton âme auprès de mes mains et marche. Le film est sélectionné à Cannes. Et c'est pilé le soir du 17 avril 2025. Mais c'est pas si elle doit annoncer la bonne nouvelle ou pas. Parce qu'elle sait très très bien que Fatem est menacée et surveillée sur elle. Et Fatem est contente et donc elle propose de venir en Europe, en France, pour témoigner avec un plus large public. À 23h, un autre groupe va pulvériser tout l'étage de l'habitation de Fatem. Le film va sortir en septembre, un peu partout. Je vous invite vraiment à soutenir la réalisatrice et la production. Je voudrais terminer en rendant hommage. d'échanges à ces centaines de journalistes, de personnes qui, au péril de leur vie, ont décidé de les éclairer de leur plus belle lumière. Aujourd'hui, inspirons-nous de ces hommes et ces femmes qui sont les porte-voix des savants. Je vous remercie. Mes camarades sont derrière le calico qui est là-bas. Merci de lui dire de prendre notre association parce que ça représente un terrain beaucoup plus large. On se demande souvent ce qui bloque en Belgique, ce qui empêche encore l'Union européenne, y compris à Belgique, de prendre la mesure de ce qui se passe à Gaza et pour quelles raisons elle refuse d'adopter face à Israël le même comportement que face à la Russie qui a immédiatement été sanctionnée quand elle a envahi l'Ukraine. Une des explications réside dans la profonde culpabilité qui travaille toujours l'Europe à l'égard de sa population juive. On ne peut pas oublier qu'en soutenant à bout de bras la création de l'État d'Israël en 1948, l'Europe a voulu réparer sa faute en reportant le poids de la réparation sur un autre peuple qui n'était pour rien dans le crime. Depuis, l'attitude constante de la propagande israélienne a été d'utiliser les communautés juives comme pare-choc. Elles devaient jouer le rôle de relais en s'alignant systématiquement sur les gouvernements israéliens, quoi qu'ils fassent. Et vu l'histoire européenne récente, il y avait de bonnes raisons pour les ménager. Et pendant longtemps, le procédé a fonctionné. Mais aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Dans les communautés juives d'Europe et d'Amérique, nous sommes de plus en plus nombreux à clamer « pas en notre nom ». Les massacres de Gaza, pas en notre nom. Les pères ethniques, pas en notre nom. La bestialité de colons fanatiques protégés par l'armée, pas en notre nom. Aux États-Unis, la jeunesse juive a joué un rôle majeur dans le mouvement des universités en solidarité avec le peuple de Gaza. En Belgique, la pétition « Pas en notre nom » qui a été lancée au mois de mai a obtenu un tel succès qu'elle a été submergée par la pluie de signatures. Et je termine par un point qui nous va loin. Il est ignoble de vouloir faire passer pour de l'antisémitisme la critique radicale d'Israël, une critique indispensable et tout à fait méritée. Il est ignoble de vouloir criminaliser la solidarité avec la cause palestinienne, comme ça se pratique depuis longtemps en France et en Allemagne, et comme ça menace aussi en Belgique. Et il est ignoble de mobiliser nos morts de la Seconde Guerre mondiale pour justifier un autre génocide qui se déroule sous nos yeux. Le génocide, pas en notre nom. Merci Henri. 3 minutes. Maintenant, on va accueillir rapidement un collectif Cycling for Humanity qui a cyclé depuis Bruxelles jusqu'ici. Ils vont venir expliquer leur démarche rapidement. Je pense qu'on peut les applaudir, ils ont beaucoup de terrain jusqu'ici. Ça arrive à Leuven hier. Merci. We did not expect to be here on stage. We have been biking from Berlin to Brussels to take a vlog. And we have collected messages from people all over Europe saying a sign to the EU, why are you not doing enough? You are not doing enough. And a lot of people on the street have agreed with us. But this has been the biggest protest we have seen on the hallway. So applause to you. This is the final destination of our trip, and we have a few papers left. So if you want to help us write the last letters, we will stand on the side here. You can come to us to write your letter, your message to the EU, and we will deliver them to the Parliament this afternoon. All right, thank you very much. Maintenant, on va accueillir Stéphanie qui va nous parler de la flottille pour Gaza qui démarre fin août. Bonjour, Stéphanie et Doris pour la Global Summit Flotilla. Donc le 31 août, la Global Summit Flotilla enverra des bateaux vers Gaza pour briser le siège maritime et apporter de l'aide humanitaire aux habitants qui en ont désespérément besoin. Ce siège total de Gaza, imposé par Israël depuis 5 mois maintenant, est un crime de guerre. Des volontaires issus de 44 pays y répondront par une action directe de résistance collective. Une action légale et non violente aussi. Notre soutien, votre soutien, est indispensable à la réussite de cette action. Soit en y mettant votre temps et votre énergie, vous allez pouvoir venir nous dire bonjour après si vous voulez, soit en apportant une contribution financière, parce que effectivement, l'argent, c'est important pour réussir ce genre d'action. Comprenez-nous bien, nous ne cherchons ni la charité, ni la négociation. Cette action est le résultat direct de l'inaction coupable et du manque de courage de nos responsables politiques, de la complicité des puissances mondiales qui se disent démocratiques et du silence et de la lâcheté des institutions internationales qui refusent d'agir. Avec toute notre solidarité, nous briserons ce blocus. Soyons l'action qui arrêtera ce génocide intolérable. On est tous la Global Movement to Gaza, anciennement Marche to Gaza. On a été juste qu'au Caire pour pouvoir faire cette initiative. Aujourd'hui, nous partons avec 44 pays, nous comptons sur vous. Une plateforme de dons sera et déjà mise en place depuis quelques semaines. On espère encore ajouter encore un bateau belge. Avec nous les Belges, 44 nations. C'est parti le 31. Le 31 août, nous partons avec des dizaines, des centaines de bateaux pour pouvoir partir, défoncer le blocus. On ne va pas les laisser faire. On va aller jusqu'aux plages de Gaza. Et ce sera comme ça. Vive les Belges, on y va. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. So, solidarité avec le peuple palestinien. So, solidarité avec le peuple palestinien. So, solidarité avec le peuple palestinien. So, solidarité avec le peuple. Il faut que le Parlement il nous entende. Donc on va crier deux fois plus fort. S'il vous plaît, Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott Israël! Je vais donc clôturer cette vague de discours par vous donner les moyens que vous pouvez prendre pour agir. L'heure est grave, mais effectivement, vous pouvez agir. Ici et maintenant, signez la pétition pour mettre la pression sur le gouvernement de l'Arizona. Vous allez recevoir, il y a des flyers qui vont être distribués, il y a des QR codes un peu partout. N'hésitez pas à la chercher pour la signer. Signez aussi l'interpellation citoyenne qui émane de Namur pour interdire l'exportation et le transit d'armes à destination d'Israël. Je ne vois pas Dominique, mais vous l'entendrez sûrement. Le boycott. On boycotte Teva, Carrefour, Airbnb, Booking, BNP Paribas, AXA. Quand vous ne pouvez pas boycotter, il faut leur écrire, marquer votre désaccord. Mais c'est, le boycott, c'est vraiment le pouvoir qu'on a en tant que peuple. Donc, vraiment, le boycott, plus que jamais. Vous devez aussi interpeller vos élus à tous les niveaux de pouvoir. Il y a une pression, on doit la maintenir et la croître. Restez informés, suivez la commission de cet après-midi et demandez des comptes à vos députés. Demandez-leur pourquoi avez-vous agi comme ça, qu'avez-vous dit, pourquoi l'avez-vous dit de telle manière et pourquoi ne faites-vous pas tomber le gouvernement. Gaza le mérite. Informez aussi vos élus, parce que c'est facile de rester loin de l'information quand elle est si difficile à lire, si difficile à entendre. Mais informez-les, envoyez-leur des mails, il s'est passé ça, il y a eu ça cette nuit, il y a eu ça aujourd'hui. Harcelez-les. Organisez-vous aussi par secteur, par communauté, les syndiqués, les travailleurs et travailleuses, le secteur culturel, le monde sportif, artistique, académique. On voit que ça bouge, mais maintenant on doit s'organiser dans les communautés qui existent déjà pour ensemble agir chacun à son niveau. Prenons le terrain, rendons-nous inévitables. Nous sommes des milliers en Belgique, mais aussi à travers le monde. Et on doit être entendus. Les étudiants nous ont ouvert la voie, ils ont obtenu des victoires. On doit les soutenir et faire comme eux. Ils nous ont montré l'exemple. Nous n'avons pas le luxe. Mahmoud Tarwish, un célèbre poète palestinien, disait « Nous n'avons pas le luxe du désespoir ». Et je crois que c'est quelque chose qui doit nous motiver aussi. C'est aussi de voir la résilience du peuple palestinien. Venez aussi en aide aux centaines, aux milliers de réfugiés palestiniens en Belgique qui subissent de plein fouet la crise de l'accueil, qui ne sont pas pris en charge par les autorités compétentes, qui n'ont malheureusement, elles, pas les moyens. Faites des dons aux organisations qui fournissent de l'aide sur place. Financez aussi le Fonds contre l'impunité. C'est le procès dont je vous parlais plus tôt, le procès que l'ABP avec la CNAPD, le collectif Droit pour Gaza, Fonds contre l'État belge, il va coûter quelques milliers d'euros. Donc on a besoin de soutien. Financer le Fonds contre l'impunité, ça permettra aussi de porter plainte contre des soldats belgo-israéliens qui sont coupables des pires crimes et qui sont aujourd'hui dans nos rues. Maintenant, je vais vous donner les prochains rendez-vous. Le 18 août, lundi prochain, on va faire le même rassemblement à Namur pour le Parlement européen parce que mardi se réunit le Parlement européen. Donc rendez-vous lundi au pied de la citadelle à Namur, donc au Parlement wallon, dès 17h30. Rendez-vous le 7 septembre pour la manifestation nationale. Cette fois-ci, on va demander le carton rouge. En juin, on était plus de 120 000 à tracer la ligne rouge que les dirigeants refusent toujours de tracer. Aujourd'hui, le 7 septembre, on veut être des centaines de milliers à réclamer un carton rouge. Boycott Israël. Israël doit être hors de toute compétition diplomatique, financier, tout, partout. Israël doit être banni. Ensuite, le 15 septembre, venez à l'audience du procès de l'État belge au tribunal de première instance. C'est là aussi que vous allez montrer votre pouvoir et que vous ne lâcherez pas l'État. Suivons les mouvements politiques, ce qui se passe en ce moment ou ce qui ne se passe pas, leur tergiversation. Nous vous donnerons rendez-vous à la rentrée politique pour la suite de cet événement. Suivez aussi le live. Donc là, il y a la commission qui va démarrer à 14h. Il y a des rapporteurs des organisations qui sont désignés pour aller voir la commission. Ensuite, on va faire des vidéos pour expliquer ce qui s'est dit en commission. Vous devez suivre les hashtags Act Now et Gaza Arizona. Restons informés, motivés, résistons. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Oui, évidemment, rassemblement journalier à 19h à la bourse, ça il ne faut pas lâcher aussi, soutenons les camarades. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Boycott Israël! Boycott Israël! Say it loud, say it clear. We don't want silence here. Say it loud, say it clear. We don't want silence here. Say it loud, say it clear. We don't want silence here. Say it loud, say it clear. We don't want silence here. Say it loud, say it clear. We don't want silence here. Say it loud, say it clear. We don't want silence here. Say it loud, say it clear. et aussi sur le site du Parlement fédéral. On vous donnera des nouvelles très vite pour les prochains rassemblements. En tout cas, le prochain grand, c'est le 7 septembre dans les rues de Bruxelles. Merci beaucoup. Thank you, Lorraine. Thank you, everyone. Et bonne journée.